Il est douché, Lucien. Il est vraiment pas bien. Ça lui fait mal. Et ce n'est pas banal. Depuis que sa Ginette, au détour d'un matin, a dévoilé un secret sous la couette. Elle a taillé trois pipes à son ami Philippe pour qu'il oublie qu'il avait du chagrin. Mais ce n'est qu'un copain, ça n'ira pas plus loin. Elle le promet que c'est sans lendemain. Mais Lucien est choqué, ça lui mine la vie chaque jour et surtout chaque nuit. Et comme il tourne en rond, ressassant cet instant, il m'a confié ce douloureux présent. Il repense au vautour qui brisa son amour comme un oiseau foudroyé en plein vol. Il ne veut rien entendre, il ne veut pas comprendre. Il flippe pour trois pip. J'essaie de le distraire, de dédramatiser. Mais comment faire? Il peut pas oublier. Alors on boit des coups, moi un peu, lui beaucoup. Faudrait que passe cette mauvaise passe. Bien sûr c'est pas facile d'encaisser ces choses-là, mais c'est la vie qui vient et qui va. À lui de décider, partir ou continuer, avec ou sans Ginette. Avec ou sans Ginette. Avec ou sans Ginette, quelle prise de tête.